Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 39. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 4 juin 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es pas qu'à danser, tu es un kilomètre à pied, ça use, ça use. Tu es GR20, tu es pèlerin de Compostelle, tu es traversé du désert et tu es aussi... Je fatigue, chef. Moi aussi. La forêt. Eh ben, on n'y est pas. On couchera là-bas, chef. Ouais. Et demain matin, au petit jour, la route. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es marche à pied, tu es grosse randonnée. Pendant de nombreuses années, durant le week-end de la Pentecôte, François Mitterrand avait pris l'habitude d'organiser une randonnée présidentielle pour gravir la roche de Solutré en Bourgogne. Alors, 10 ans après sa disparition, pour se souvenir de cette ascension pédestre de la Pentecôte, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'enfiler une paire de pataugaz pour aller marcher sur les sentiers et les chemins de traverse. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle de la marche à pied. Pour commencer, de Moïse à Mao, il faut survoler l'histoire des grandes marches de l'humanité. Ensuite, il faudra s'intéresser aux différentes pratiques de la marche à pied chez les présidents de la 5ème République. On enchaînera justement sur une interview exclusive de Jack Lang qui viendra nous parler de ses souvenirs de l'ascension de la roche de Solutré aux côtés de François Mitterrand. Et puis, nous te dévoilerons les rebondissements de la longue marche entreprise par les cadors socialistes à la poursuite de Ségolène. Et enfin, te raconter cette fabuleuse randonnée en montagne qu'ont effectué Monique et Jean-Claude il y a quelques jours pendant le week-end de l'Ascension, justement. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et en avant, marche! Oh. Don't Stop Till You Get Enough. C'est ce que te conseille Michael Jackson, dit Bambi, sur l'album Off The Wall en 1979. Don't Stop Till You Get Enough, ne t'arrête pas avant d'en avoir assez. En français, c'est plus simple, c'est marche ou crève. Alors, cette semaine, la panique, toujours en direct du Mangin Palace, s'intéresse donc aux randonnées et aux grandes marches dont l'histoire est parsemée. Mais attention, par grande marche, il faut comprendre mouvement de masse et non pas manifestation. La manif Bastille-Nation, comparée à la grande marche populaire, c'est un peu comme un week-end à Kabour face au trekking en Inde, autrement dit de la gnognotte. L'Antiquité a connu ces grandes marches. Xénophon l'Athénien et ses 10 000 mercenaires grecs firent une longue marche dans l'Empire perse à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais la grande marche, la plus célèbre de l'Antiquité, est bien plus ancienne, vers moins 1200 à peu près. Tu triomphes, Moïse. Sors du pays d'Égypte avec ton peuple. Je vous accorde la liberté. Ce n'est pas ton ordre ou ma main qui nous libère. Pharaon, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Assez de discours. Moïse, le peuple est rassemblé. Alors dirigeons nos pas vers la montagne de Dieu, afin qu'il grave ses commandements dans notre esprit et au fond de nos cœurs, pour jamais. Oui, et en marchant, nous chanterons ses louanges. Alors, on connaît la suite. C'est le passage de la mer Rouge par Moïse et les Hébreux, puis la traversée du désert avec une halte au mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Mais bon, cette longue marche vers la terre promise ne se passe pas sans mal. Et les Hébreux, ils lui disent à Moïse. Il est long, il est loin ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Il est long, il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Et oui, il fut long le chemin vers la terre promise. Une fois arrivés, les Hébreux refusèrent d'attaquer le pays, n'ayant plus confiance en leur soutien divin. Donc, grosse colère de Dieu qui condamna les Hébreux à 40 ans de désert supplémentaire, histoire de les faire réfléchir. Il est vénère, Dieu. Et oui, dans l'histoire, les grandes marches sont souvent expiatoires. Ainsi, le Moyen-Âge, c'est l'époque des grands pèlerinages vers Jérusalem, vers Rome, mais aussi en Espagne. À partir du XIe siècle, Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne, a été le théâtre d'un pèlerinage très important qui existe encore aujourd'hui. Chaque année, plus de 500 000 pèlerins se mettaient en route à pied. Ils venaient de tous les pays d'Europe. Les pèlerins se rendaient en Espagne pour vénérer le tombeau de l'apôtre Saint-Jacques. C'est au 7e siècle, après Jésus-Christ, que, selon la légende, une étoile avait indiqué à des bergers l'endroit où se trouvait le corps de Saint-Jacques. De là le nom de Compostella, Campus Stellae, le chant de l'étoile. Dans la plupart des langues occidentales, la Voie lactée s'appelle aussi le chemin de Saint-Jacques. Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle sont parmi les plus empruntés dans l'Europe médiévale. Mais les grandes marches dans l'histoire ne sont pas seulement religieuses. À l'époque contemporaine, on trouve aussi des grandes marches militaires. Les soldats de Napoléon peuvent faire entre 35 et 40 km par jour. La capacité de marche de la grande armée est une arme tout autant que le canon. Mais attention, toutes les expéditions militaires ne sont pas victorieuses, surtout quand il s'agit de battre en retraite, comme en Russie, durant l'hiver 1812. Triste, triste colonne, le vent souffle et la cloche sonne. Tombe, tombe, la neige en tombe, fait une tombe blanche au chevaux. Après avoir marché sur Moscou pendant l'été 1812, sous une chaleur écrasante, les soldats français de la Grande Armée battent en retraite en plein hiver. Le froid, la faim, les maladies font des milliers de victimes et la route est parsemée de cadavres. La longue marche de l'armée napoléonienne en Russie fait près de 500 000 morts. L'histoire contemporaine nous a également montré d'autres retraites meurtrières, d'autres grandes marches militaires désastreuses. Ce fut le cas en Chine, entre le mois d'octobre 1934 et octobre 1935. L'armée rouge chinoise a fui pendant un an les troupes nationalistes de Chiang Kai-shek. Cette longue marche d'environ 12 000 km a coûté la vie à près de 100 000 hommes. Elle a aussi permis à Mao Zedong de s'imposer comme le seul chef des communistes chinois. C'est un chef que vous l'avez trouvé. On va voir ce qui va rester de vous après 30 km de marche, en plein cagnard, avec tout le barda, sans manger ni boire. Rendez-vous au point alpha. Autant vous dire que si vous le trouvez pas, vous pourrez toujours brouter de l'herbe. Et comment on fait pour le trouver, le point alpha ? C'est très simple. Marchez d'abord 10 km. Azimut 85 grades, c'est l'ouest. Jusqu'au lieu-dit les Trois Châtaigniers, je vous préviens, il n'y a pas de route. Là, vous bifurquez sud-est, 220 grades, pendant 8 km, jusqu'à l'endroit appelé le Gros Caillou, vous comprendrez sur place. Et là, 12 km nord-est, 340 grades, jusqu'au point alpha. Vous allez en chier. En marche! Ce qui est intéressant avec cette longue marche chinoise, c'est que Mao a su faire passer une retraite pour un épisode glorieux de l'armée communiste. Malin, Mao. Mais attention, dans l'histoire, toutes les grandes marches ne furent pas sinistres, comme la retraite de Russie, la marche sur Rome de Mussolini ou la longue marche de Mao. Non, il y a eu des marches pacifiques qui ont changé la donne, comme à Washington, ce 28 août 1963. Au micro, Jean-Armand Ladidi. De New York à Los Angeles, de la Nouvelle-Orléans à Chicago, des milliers et des milliers de Noirs ont convergé cette nuit sur Washington en avion, en train, en autobus, en voiture. Et ce matin, de bonne heure et au fil de la matinée, ils étaient tous là à leur lieu de rassemblement. C'est de là que, cet après-midi, des milliers et des milliers de Noirs, ils étaient plus de 100 000, nous dit-on, se sont mis en marche pour les rives du Potomac, où se dresse la gigantesque statue d'Abraham Lincoln, le président qui, il y a 100 ans, émancipa les Noirs américains. À vous, Washington. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream, je fais un rêve, c'est le célèbre discours de Martin Luther King prononcé devant 250 000 personnes réunies à Washington pour réclamer la fin de la ségrégation raciale. Pour la marche sur Washington, Martin Luther King s'est inspiré de la marche du sel organisée par Gandhi en 1930. À l'époque, les Britanniques ont le monopole de la vente du sel en Inde. Gandhi invite alors les Indiens à se rendre pacifiquement au bord de la mer pour récolter eux-mêmes leur sel. Devant l'attitude non violente mais résolue des Indiens, les soldats britanniques ne tirent pas et cèdent. Et oui, de Washington à New Delhi, pour faire triompher ses idées, c'est chacun sa route, chacun son chemin. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Déclare que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Levé à 7h du mat, t'es déjà en retard, ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir, tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté, ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion, je dois être le fou comme je ne suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Le peuple était au pouvoir, il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le sou, le bambi des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, oh, oh, oh, oh. Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne. Je me souviens des amis avec qui j'ai grandi. Ce sentiment d'être exclu nous rendait solidaires. Chacun prit son train quand les années passèrent. À chacun son move, à chacun sa galère. Les chemins où tu ris sont les mêmes que ceux où tu pleures. La vie est une aventure, il ne faut pas avoir peur. Mais te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu y as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun sa route. C'est ce que te propose Tonton David en 1995. Certes, chacun sa route. C'est bien joli tout ça, mais bon, c'est un peu l'arnaque, car de toute façon, au final, c'est à Rome que te mènent tous les chemins. Passe donc le message à ton voisin. Alors, pour continuer notre folle randonnée pédestre, après avoir survolé l'histoire des grandes marches de l'humanité, il est temps à présent, toujours en direct du Mangin Palace, de nous arrêter quelques instants sur les différentes pratiques de la marche à pied chez les présidents de la Ve République. Alors, comme chacun sait, pour accéder à la fonction suprême de la République, la route est longue et surtout, les sentiers sont sinueux. Ainsi, pour qu'un jour peut-être le peuple français accepte de te déléguer son autorité de droit, il te faut entreprendre une longue marche. Jusqu'à présent, c'est ce qu'ont dû faire nos cinq présidents élus successivement au suffrage universel direct. Le premier d'entre eux fut, bien entendu, le grand Charles, dit le général. Cela dit, avant d'investir le palais de l'Élysée, Charles de Gaulle dut s'engager dans une randonnée périlleuse puisqu'en 1946, il décida de se retirer de la vie politique française et d'aller s'installer à Colombey-les-Deux-Églises. À l'époque, son fidèle lieutenant, Michel Debray, s'inquiéta vivement de cette marche vers une retraite anticipée. Où allons-nous? Tu le vois, ce beau sable fin? Eh bien ça, c'est le désert. Une fournaise longue de 250 km que même les soldats en guerre ne traversent pas. Ici, jamais personne ne vient. Il n'y a que toi et moi. C'est bien comme promenade, tu trouves pas? Tu te souviens de ce que tu m'as dit une fois? Tu trouveras toujours moyen de t'en tirer. Après toi. Eh oui, après cette longue traversée du désert à pied qui a duré 12 ans, le général de Gaulle retrouva le chemin du pouvoir en 1958. Il exerça la fonction suprême pendant 10 ans avant que l'échec du référendum en 1969 ne le pousse vers une nouvelle activité, la marche à pied sur les plages de l'Irlande. Ensuite donc, ce fut au tour de Georges Pompidou de gravir les sommets qui l'ont conduit à l'Élysée. Mais là, comment dire, la petite randonnée de Georges Pompidou au pouvoir n'a laissé en réalité que très peu de souvenirs. J'ai fait que passer ma route, passer entre les gouttes, et va des belles. En effet, décédé prématurément le 2 avril 1974, il n'a fait que passer Pompidou président. C'est alors qu'est arrivé à l'Élysée une graine de champion. Un VGE, un vainqueur des grandes étapes, un randonneur tout-terrain qui lui a immédiatement inscrit sa démarche dans la longue tradition monarchique des promenades royales. Valéry Giscard d'Estaing vient de rentrer à Paris après 4 jours de voyage en Espagne. Cette dernière journée, aujourd'hui moins officielle que les autres, le président de la République l'a passée à Saint-Jacques-de-Compostelle et au port du Ferrol. Il a suivi les traces des anciens pèlerins qui, pendant 8 siècles, sont venus se recueillir là après de longs pèlerinages le long des routes d'Europe. Valéry Giscard d'Estaing tenait à cette visite. Il en a profité pour faire un peu d'histoire devant les journalistes. Paul Amar, l'un de nos envoyés spéciaux, en a profité pour parfaire sa culture religieuse. Il n'y avait pas eu de chef d'État français qui soit venu à Saint-Jacques-de-Compostelle de manière très récente, puisque le dernier qui est venu, comme vous en souvenez sans doute, bien que vous n'ayez pas accompagné son voyage, c'était au XIIe siècle. Voilà, et j'ajouterais que le roi en ce temps-là s'appelait Louis VII. Et puis, brutalement, c'est la chute pour Valéry Giscard d'Estaing. Sa marche de l'empereur s'est donc interrompue en 1981. C'est alors qu'un autre randonneur de la politique, le promeneur du Champ de Mars, a pris possession de l'Élysée. Et c'est dans le souvenir de cette longue marche qui a duré plus de 40 ans et qui l'a conduite au pouvoir que François Mitterrand a imposé chaque année son pèlerinage laïque. Solutré, l'ascension de la Roche qui domine le Beaujolais, c'est un pèlerinage traditionnel où François Mitterrand, en tenue de campagne, est escorté de ses fidèles et des représentants de la presse française. Mais qu'est-ce que j'apprends, Jean-Michel Blier ? Le président ne supporte pas ou ne supporte plus la présence des journalistes à Solutré et il a attendu 9 ans pour vous dire enfin la vérité. Eh oui, pourquoi êtes-vous là ? Pourquoi voulez-vous que l'on parle de politique ? Vous me gênez ? Vous me gâchez ma Pentecôte. Cela fait 45 ans que je viens ici. Pendant 35 ans, je suis venu sans vous. Je ne vous ai pas convié. Vous allez être déçu. Je n'ai pas de scoop à délivrer. La source va se tarir. Je pourrais ne pas venir vous voir. Mais quelle mouche avait donc piqué François Mitterrand ? Si depuis 81, les journalistes ont pris la route de Solutré en délaissant leur propre cercle d'amis ou de famille, ils ne savaient pas qu'ils irritaient ainsi le chef de l'État depuis 9 ans. Eh oui, le randonneur de Solutré fut un être solitaire. Ce qui ne fut pas le cas de son successeur. Président Chirac a toujours aimé la camaraderie, il a toujours aimé être entouré d'une liesse populaire quand il gravissait les marches vers le pouvoir suprême. Seulement voilà. Après l'échec du référendum sur l'Europe, la crise du CPE, l'affaire Clearstream ou l'amnistie de Guy Drut, désormais, pour président Chirac, ce n'est plus la même randonnée. Je marche seul dans les rues. En effet, les derniers kilomètres de la randonnée républicaine de président Chirac s'annoncent pénibles et douloureux pour lui. Cela dit, dans un an maintenant, nous connaîtrons son successeur. Et visiblement, que ce soit Ségolène ou Nicolas, il semblerait que le style de la nouvelle randonnée présidentielle soit assez voisin, à savoir la marche militaire. Alors, nous voici donc arrivés à mi-chemin de notre randonnée dominicale et pour enrichir notre regard sur les hommes politiques et la randonnée, nous avons joint cette semaine au téléphone un être incontournable de la vie politique française, à savoir l'inénarrable Jack Lang. Pour commencer, nous lui avons tout simplement demandé ce que représentait pour lui la marche à pied, réponse juste après le jingle. C'est marcher, c'est pour moi un plaisir, un bonheur, une façon de laisser son esprit voguer et d'oublier un peu, je dirais, les sujets qui vous occupent dans la vie de tous les jours. Donc, pour moi, marcher, c'est le plaisir de la rencontre avec des gens, de la découverte de paysages, de beaux lieux, de monuments. C'est une façon aussi de respirer. Et puis, bon, de renouveler, je dirais, sa pensée, effectivement. Alors parfois, il m'arrive d'être plus concentré et de faire de marcher pour pouvoir trouver une réponse à une question que je me pose. Marcher est pour moi quelque chose qui est absolument indispensable à mon équilibre intérieur. Par ailleurs, Jack Lang, on se souvient très bien que vous avez longtemps accompagné François Mitterrand dans ses randonnées à Solutré. Quels souvenirs vous en gardez aujourd'hui ? On s'imagine parfois que c'est une sorte d'ascension difficile. Non, c'est une ascension relativement modeste. Quelquefois, il y avait des années spéciales. Je me souviens de l'année où François Mitterrand avait invité Gorbatchev et sa femme. Et alors ? Et alors, bon, ils ont avec nous entrepris, je crois, l'ascension. En tout cas, ils ont partagé le déjeuner. Et le lundi, qui était aussi un autre jour de rituel, le lundi de la Pentecôte, c'était un jour où souvent avec François Mitterrand, nous allions visiter des monuments, des châteaux, des églises. Et puis ensuite, on se retrouvait à un autre déjeuner. Et quand les Gorbatchev sont venus, nous avons passé un moment extraordinairement chaleureux. Pascal Sevran était avec nous. Il avait emporté son accordéon. Il a chanté. Et ensuite, Gorbatchev, qui a une très belle voix grave, s'est mis à son tour à chanter des chants russes. Et on a passé ce jour-là un moment extraordinairement amical et vivant et drôle. Et est-ce que François Mitterrand, qui est un bon marcheur ? Un très bon marcheur. Simplement, très bon marcheur. Il adorait marcher, il adorait enjamber les espaces, parcourir les chemins, découvrir, se perdre, se retrouver. notamment dans les Landes, mais aussi là, dans cette région, cette belle région de Bourgogne. Est-ce que pour lui, quand vous l'accompagnez, la marche était le temps des confidences ou du silence ? Il arrivait parfois qu'on se taise, que lui se taise, et nous aussi, et qu'au fond, on laisse gambader nos esprits et nos réflexions et nos rêveries. Mais c'était souvent quand même le temps de comme vous le dites, de la confidence, de l'échange. On parlait des uns, des autres. Non, ces moments étaient des moments souvent très fructueux. C'était Jack Lang. Merci beaucoup. Move by Yourself, chante Donavon Frankenreiter sur son nouvel album. Move by Yourself parce que la marche, ce n'est rien d'autre que de se déplacer tout seul en mettant un pied devant l'autre, et ainsi de suite. Alors, il est 11h34 et la panique au Mangin Palace a décidé de te raconter maintenant l'incroyable expédition entreprise depuis plusieurs mois par l'amicale des randonneurs socialistes. Le sac. La longue marche des randonneurs socialistes doit les mener jusqu'au bout du chemin de la campagne présidentielle en 2007. La randonnée a bien commencé et le chef de la meute, l'infatigable François Hollande, a su motiver ses troupes. Le sac au dos, le bâton sur l'épaule, le grand chapeau rabattu sur les yeux. Nous martelons le bon sol de la Gaule où sont couchés tous nos communs aïeux. En avant les discours énergiques, dédaigneux de la pluie et du vent. Batailleurs et pourtant pacifiques, en avant les discours, en avant, en avant, en avant. Et ils vont de l'avant, les scouts socialistes. Jack Lang, qui s'est entraîné pendant des années à Solutré, a une bonne foulée. Henri Emmanuelli, lui, est un peu à la traîne. Mais dans le groupe, il y a parfois de petites tensions. Quand, par exemple, Laurent Fabius tente de faire un bout de chemin aux côtés de Dominique Strauss-Kahn, Dominique, lui, il ne veut pas de Laurent comme compagnon de marche et il le lui dit clairement. Toi, tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi, tu pues, et marche à l'ombre. Casse-toi, tu pues, et marche à l'ombre. Casse-toi, tu pues, et marche à l'ombre. Eh oui, il faut marcher à l'ombre car avec les premiers beaux jours, on peut prendre un coup de soleil. Pour se donner du courage, les randonneurs socialistes se sont trouvés un champ de marche à défaut d'un programme. Car chanter en marchant, c'est bien connu, ça motive. Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus. On va toujours seul sur la route, je continue coûte que coûte, et puis une route en croise une autre, et puis une autre et encore une autre. Voilà des heures que nos randonneurs socialistes parcourent la campagne. Ils sont tous un peu fatigués, du coup, le rythme s'est ralenti. Henri Emmanueli est couché sous un arbre et pique un roupillon. Arnaud Montebourg, lui, ramasse des champignons. Et François Hollande a également baissé la cadence. Rapidement, tous les socialistes sont allongés dans l'herbe fraîche et se prélassent au soleil. Mais Ségolène, elle, ne fait pas de pause et poursuit sa route. D'ailleurs, ça énerve un peu ses compagnons de marche. Se rendant compte de l'avance prise par Ségolène, les éléphants du PS décident alors de repartir immédiatement afin de combler l'écart. Désormais debout, nous retrouvons notre pas de nomade et nous marchons un jour, deux jours, 10 jours, 20 jours. Autant de nuits, autant de froid. Voici le temps de la première marche, la marche des longues caravanes. Les cadors du PS ont beau marché, désormais personne n'arrive à rejoindre Ségolène. Lionel Jospin, l'ancien chef de meute, qui avait pourtant dit qu'il se retirait définitivement de la randonnée, tente de ne pas se faire distancer par cette Ségolène. Et il se motive, Lionel. Marche tout droit, cette fille-là, fais celui qui la voit pas. Marche tout droit, cette fille-là, fais celui que ça laisse froid. C'est le genre de fille à qui tout le monde fait la cour. Toi ne lui tourne pas autour. Marche tout droit, cette fille-là, c'est comme ça que tu l'auras. Et il marche tout droit, Lionel Jospin. Mais l'écart entre les randonneurs socialistes et Ségolène augmente considérablement. Lionel, ça l'énerve de voir Ségolène le distancer. Mais il n'y a pas que Ségolène qui est devant lui. À peu près tous les autres randonneurs socialistes l'ont dépassé. Seul François Hollande est encore à ses côtés, tout rouge et tout essoufflé. Alors Lionel, il interpelle François. Mais attendez-moi, bon sang! Mais dépêchez-vous! Eh ben, j'ai les pieds gonflés, là! J'ai un pied énorme! Évidemment, ce n'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Que vous me prêtiez vos souliers. Bah, vous chaussez du combien? J'ai du comme vous. Ah bon? Ah, ben là, ça va mieux. Attendez-moi quand même. Allez, venez, allons. Mais, il faut que je m'y habitue. Allons, venez, bon sang. Et voilà, François Hollande et Lionel Jospin reprennent leur route. Il leur faut accélérer le pas car les autres randonneurs sont loin maintenant, on ne les voit plus. Le plus important pour eux, c'est de ne pas se perdre. François guette attentivement les marques peintes le long du chemin. Ils doivent suivre les balises rouges et roses. Quand, soudain, Lionel et François croisent un autre groupe de randonneurs. Ce sont les communistes qui, chose étrange, marchent en sens inverse. Lionel Jospin et François Hollande regardent passer les communistes et Lionel a un souvenir ému du bout de chemin qu'il a fait avec eux entre 1997 et 2002. Mais bon, tout cela, c'est de l'histoire ancienne. Il est maintenant urgent de rattraper le reste du groupe. Alors que tous les randonneurs socialistes essaient de le rattraper, Ségolène, elle, est loin devant. Elle ne sait pas trop pourquoi, mais le chemin dans la campagne lui paraît facile. C'est bizarre, elle n'a pourtant aucun entraînement et aucune carte précise de la région. Ségolène, elle a tellement d'avance qu'elle se permet une petite pause. Couché dans le foin, avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. On s'embrasse et l'on se trémousse. le soleil pour témoin. Eh oui, la vie est douce pour Ségolène. Dans le groupe des randonneurs socialistes, personne ne comprend comment Ségolène, qui pourtant ne semble pas être une gaillarde randonneuse, réussit à distancer tout le monde. Mais Ségolène, elle a un secret. Le succès de la réussite dans la marche, c'est la qualité des chaussures. Alors... Si t'as des godasses moches, si t'as les grolles qui clochent, va changer tes tatanes contre des grolles et rames. Grolles et grolles et rames. Sympa les tatanes, drôle les grolles et rames, costaud les tatanes, les godasses de chez Iram. Si tu veux des pieds gays, va te faire égayer les pieds, va choisir des tatanes parmi les grolles et rames, grolles et grolles et rames. Eh oui, le succès d'une longue randonnée dans la campagne présidentielle réside surtout dans la solidité des tatanes. Mais attention, Ségolène ressemble beaucoup au lapin de la fable qui a les yeux plus gros que le ventre, des yeux immenses qui peuvent l'avaler. Avalé par des yeux immenses, en parler comme si c'était les miens. Nager dans tes yeux, l'art et l'élégance, voilà que moi je baisse les miens. Jusqu'à demain, on serait peut-être au bout de la France, Marseille, en fait j'en sais rien, ça paraît possible, en apparence, possible, si tu veux bien. Si l'on marchait jusqu'à demain, c'est ce que chante le groupe Louise Attaque sur leur album intitulé « À plus tard, crocodile ». Si l'on marchait jusqu'à demain, pourquoi pas une belle balade à pied en ce lundi férié ? Ah non, pardon, demain tu bosses. Merci Monsieur Raffarin. Alors, pour continuer notre escapade à pied sur nos chemins escarpés, il est temps maintenant, à 11h44, de retrouver nos deux pèlerins, les crapahuteurs Monique et Jean-Claude, qui ont organisé le week-end dernier, pour l'Ascension, une jolie randonnée en montagne. Voilà donc plusieurs semaines qu'ils se préparent à cette expédition pédestre. Ils sont cinq à partir, Monique et Jean-Claude bien entendu, mais aussi un couple d'amis, Nathalie et Michel, et puis Eric, un randonneur émérite qui leur servira de guide. D'ailleurs, avant le départ, Eric, très professionnel, a pris soin de vérifier avec sa petite équipe qu'il n'avait surtout pas oublié l'essentiel pour cette randonnée. Dans une chaussette ordinaire, le pied... Mais dans une chaussette fil d'art thermo-ambiant, le pied... Car la chaussette fil d'art thermo-ambiant est composée de viscose qui... La transpiration, de laine pour que ce soit... De polyamide pour la... Et plus on... La chaussette fil d'art, plus elle... En qualité. Vous trouverez dans tous les magasins fil d'art la chaussette thermo-ambiant à des prix... 20% de réduction jusqu'au 18 mai. Jean-Claude se dit alors qu'Éric a sans doute été animateur au Club Med avant de devenir guide de randonnée. Il le trouve ridicule. Toujours est-il que la petite troupe s'élance, gourde pleine et sac au dos, sur les premiers kilomètres de cette marche à pied. Éric, leur guide, se trouve bien sûr en tête et dispense ses premiers conseils. Vous attaquez bien le sol avec votre talon, vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche quoi ? Hein ? Oui. Contrairement au coureur qui à chaque foulée décolle, le marcheur, lui, il adhère. Il reste en contact avec le sol. Au fond, on peut dire que la marche à pied n'est qu'une succession de chutes rattrapées et de déséquilibres compensés. Alors, on tient plus debout ? Oh, ça va, hein. S'il a fermé un peu aussi, ça serait pas arrivé, hein. Visiblement, en ce début de randonnée, Jean-Claude a du mal à trouver ses marques de marcheur. Et oui, il fait chaud, son sac pèse une tonne et surtout, il rêve déjà d'une cigarette. Cela dit, Jean-Claude prend le temps d'observer Monique et il lui fait remarquer que... Tes lacets sont défaits, tu marches dessus. Tu les laisses traîner, tu marches dessus. Mes lacets sont défaits, je marche dessus. Je les laisse traîner, je marche dessus. Monique remercie chaleureusement Jean-Claude de cette délicate attention. Mais bon, pour lui... rien ne s'arrange. Monique, Nathalie et Michel sont loin devant, il fait de plus en plus chaud et après 10 km de marche, il est au bord du collapse. C'est alors qu'Éric s'aperçoit que Jean-Claude est en grande difficulté dans cette randonnée. Éric propose à l'équipe de faire une pause et surtout, il dit à Jean-Claude « Il faut que tu respires et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire. » Cette petite pause fait le plus grand bien à Jean-Claude. Il admire ce paysage magnifique de la nature à l'état sauvage, mais surtout, il se grille sa première cigarette. Cela dit, il est déjà temps de repartir. Jean-Claude jette son mégot quand, tout à coup, Éric s'en aperçoit. C'est à toi, ça ? T'es pas dans une décharge ici, vieux. T'es dans un site que tu dois traverser avec respect. Et le respect, c'est pas de déposer tes crasses un peu partout. Bon, alors écoutez-moi bien. On va faire un contrat tous ensemble. Tous les déchets doivent être conservés dans les sacs. Ok ? Bon, contrat ? Contrat ? J'ai pas entendu. Contrat ? Tu refais ça, je te pète la gueule. Jean-Claude est au bord de lui coller une claque, mais il se sent penaud. Il n'aurait pas dû jeter son mégot, et puis il a dit contrat. Nos randonneurs poursuivent alors leur ascension pédestre sous le soleil et la chaleur. Et comme prévu, ils arrivent au refuge des Trois Marmottes juste avant la nuit. Au passage, ils ne sont pas seuls. Il y a là quelques Allemands et quelques Espagnols qui vont également y dormir. Le soir, après le dîner, tout le monde se retrouve auprès du feu de camp. Et ça chante ! Monique et Jean-Claude se souviennent alors de leur jeunesse. Les scouts ont mis la flamme au bois résineux. Écoutez chanter l'âme qui palpite en eux. Monte flamme légère, feu de camp, si j'en suis beau. Dans la plaine ou la clairière, monte encore et monte l'eau. Après ces chants scouts magnifiques et avant de se faufiler dans son sac de couchage, Jean-Claude se fume une dernière clope près du ruisseau, juste à proximité du refuge. Il tombe alors sur Éric, à qui il fait part de son humeur du soir. C'est que ça va beaucoup mieux, moi. Je commence à m'habituer au soleil, à l'organisation, tout. J'ai bouffé avec les Allemands. Ils sont vachement sympas, ces mecs-là. C'est marrant parce que moi, je parle pas du tout leur langue. J'ai passé une soirée formidable. Ils m'ont chanté des chants de la guerre à quatre voix. Il y a un courant qui est passé. Éric fait tout de même remarquer à Jean-Claude que des chants de guerre en allemand, c'est toujours un peu suspect. Mais bon, nos deux compères sont exténués par cette journée de marche et ne tardent pas à aller se coucher, car demain, il y a encore une rude journée de randonnée. Le lendemain matin, il fait déjà très chaud. Ils ont repris leur marche dès 8h, mais apparemment, il y a un souci dans le groupe. Hier soir, Nathalie, l'amie de Monique, s'est faite draguer par un Espagnol et du coup, Michel, son compagnon, fait la gueule à tout le monde. Jean-Claude trouve cela ridicule et ne cesse de chambrer Michel. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Éric demande à tout le monde de se calmer immédiatement. Il semble nerveux, voire un peu paumé. Jean-Claude sent bien qu'il y a un problème et s'inquiète auprès d'Éric. Bon, on est perdu ou on n'est pas perdu ? Perdu, c'est un grand mot. Égaré, quoi. Alors, quoi, on arrive ? Bon, je leur dis. Dramatise pas trop. Hein. Bon, on est complètement paumé, les mecs. Quoi ? Non mais attendez, c'est pas l'Amazonie non plus, hein. Après s'être paumé, pour ne rien arranger, la chaleur accumulée depuis hier matin vient faire éclater l'orage. En quelques instants, toute l'équipe se retrouve sous la pluie, trempée et perdue. C'est la randonnée panique. Sauf pour Jean-Claude qui, lui, visiblement, prend cette situation avec beaucoup de philosophie. Toute la pluie tombe sur moi. Oui, même moi, je fais comme si je ne la sentais pas. Je ne bronche pas, car j'ai le moral et je me dis qu'après la pluie, vient le beau temps. Et moi, j'ai tout mon temps. Tout doucement, la pluie d'orage s'estompe et notre équipe tente alors de reprendre sa marche vers le village dans la vallée. Mais voilà, Monique est angoissée. Ils sont perdus, elle est trempée et après 4 km, elle craque. Eric tente de la calmer, mais Monique n'en peut plus. Je crois pas que je vais pouvoir aller plus loin. Attends. C'est pas grave, c'est des situations qui arrivent tout le temps. Hein? Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va redémarrer un petit peu plus doucement. Hein? Et comme ça, tu verras, dans 2 ou 3 km, ça ira beaucoup mieux. D'accord? Allez. Attends, Eric. Je crois que tu m'as pas bien compris. Ça va pas du tout. Vous avez qu'à continuer sans moi. Non. C'est une règle fondamentale en randonnée. On ne se sépare jamais. Maintenant, tu arrêtes de faire l'idiote, d'accord? Non, mais attends, tu me parles pas comme si j'avais 15 ans. Si je te dis que j'en peux plus, ben c'est que j'en peux plus. Il faut que tu me crois, Eric. Je vous jure, j'en peux plus. Tu peux y arriver. Y a pas de raison que tu n'y arrives pas. À 5, on est parti. À 5, on arrivera. D'accord? We are together. C'est alors que Jean-Claude sent bien qu'Eric n'est qu'un gros pignouf. Jean-Claude, dans le lointain souvenir de ses camps scouts, décide donc de prendre les choses en main. Armé d'une boussole et d'une carte hygiène, il parvient en quelques heures à ramener toute la troupe au village, fin de cette piteuse randonnée. Pour Monique, encore une fois, Jean-Claude est un héros. À l'avenir, quand ils iront en balade, c'est lui et lui seul que Monique suivra, un peu... Comme les rois mages en Galilée. Où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Comme Christophe Colomb et ses 3 caravelles ont suivi le soleil avec obstination. Trois mages, encensés par Sheila en 1971, suivaient des yeux l'étoile du berger, un peu comme Raymond Domenech qui, aujourd'hui, plus que jamais, suit le cours des étoiles pour savoir comment gérer l'équipe de France, à qui il a d'ailleurs fait faire une gentille randonnée à la montagne à Tignes. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre randonnée dans l'univers de la marche, de la longue marche de Mao au pèlerinage de Giscard à Saint-Jacques, du mont Sinaï de Moïse au mont Solutré de Mitterrand et des courbatures de Monique au trekking du PS. Nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peut être la randonnée. Alors, c'est quoi la marche ? Eh bien, pendant longtemps, ça a été le principal mode de déplacement des humains. Aujourd'hui, C'est un loisir, la randonnée attire des millions de Français qui la pratiquent épisodiquement le dimanche après-midi pour faciliter la digestion du bourguignon ou, plus sérieusement, pendant plusieurs jours perdus en pleine brousse pour être un peu plus près de Dame Nature. Et oui, la rando, c'est reprendre contact avec les moustiques, c'est se laver dans un ruisseau glacé et parfois c'est remplacer le papier toilette par des feuilles d'ortie. Mais attention, il y a des règles à suivre quand tu fais une rando. Tu ne jettes pas tes papiers par terre, tu évites la merguez au barbecue dans la garrigue, tu ne cueilles pas d'Edelweiss pour faire plaisir à mémé, et surtout, tu ne quittes pas les chemins balisés. Si tu suis ton chemin, tu iras bien plus loin. Si tu suis ton destin, tu feras ton chemin. Écarte de ta route les peurs et les doutes, tu iras bien plus haut si tu fais ce qu'il faut. Alors maintenant, pour terminer cette émission sur la marche à pied, la panique au Mangin Palace va te dévoiler un secret d'État. Comme tu le sais, il y a quelques jours, président Chirac s'est rendu au Brésil pour faire son travail, vendre quelques Airbus. Mais en réalité, l'objet de sa visite était tout autre. Discrètement, président Chirac s'est rendu au pied du pain de sucre à Rio de Janeiro. Bien sûr, il a vu ce gigantesque Christ rédempteur de Corcovado, mais ce n'était pas le but de sa randonnée. Non. Si président Chirac se trouvait face à cette colline de 400 mètres, c'est parce qu'il est en quête désormais d'un lieu pour son pèlerinage républicain à lui. Oui, président Chirac, lui aussi, il veut sa roche de Solutré. Alors, depuis qu'il est rentré à Paris, président Chirac, il leur dit sans cesse à Aline Renault et à Jean-Louis Debré. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages sur le versant d'un coteau. Dario Moreno en rando à Rio, c'est beau. Voilà, fin du 39e épisode, c'était « C'est quoi la randonnée ?» revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure Total Foutraque et Archi Loufoque. C'était « Panique au Mangin Palace », ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Au platine, au montage, il y avait bien sûr, et à la réalisation, H2M Henri Marc Mutel, alias Maître Yoda. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique d'Olivier Daligo et de Michel Toutain. Merci à vous deux. Pour toute la documentation et les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Caldi et à Catherine Pinto. Pour les Scud, on a Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi aux documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations complémentaires, La Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao. Il y a le feu dans le studio, je continue.